bakoluka boba mona bakotuna boba yeba impression des as ba jeune bakoti mitindo na kati ya makambu maître DJ Zara Umporio le roi de Magatine. Balabangana bakina mu impression walue kiffé. Vous mes amis, topé wan la qualité. Vous mes amis, oiseau le loi tel comme topé wan. Vous mes amis, topé wan la qualité. Vous mes amis, oiseau le loi tel comme topé wan. Ponze le bijoutier, Del Coforce. Roca Kindou l'homme opérationnel. Yo Alas. Jinana Maya Kamba. Batamu singa batu pana luka ya mai molatisye. Naswaye wapie. Nae na koko le numero ande la vie motope wana. Tikale sabone na ye poasala ya mai molatisye. Linda Nadesh Mariam. Kitoko na yotende molato na mwaba koko. ¡Gracias! Jean-Jacques Bayonne. Que va Zanatina se délivre.